Hallelujah. Listen to me very carefully, precious people. Écoutez-moi très attentivement, précieux peuple. November 1, le 1er novembre 2006, at 3 a.m. in the morning, à 3 heures du matin, God Almighty, le Dieu Tout-Puissant, the Father of our Lord Jesus, le Père de notre Seigneur Jésus, he spoke with me, il a parlé avec moi by visions, par des visions and by voice, et à haute voix. And in that vision, et dans cette vision, the Lord, le Seigneur, in the direction facing east, dans la direction de l'Est, il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux dans la vision. Et le Dieu glorieux a commencé à sortir des cieux. Et ensuite, il a montré deux anneaux de noces. Deux anneaux de noces en or. Très glorieux. Très puissant. Il les a montrés à l'entrée des cieux qu'il a ouverts. Et il les a placés là. Il a commencé à les tourner. Saisissez ceci. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur TPN. Vous ne l'aurez pas dans Daystar. Et vous ne l'aurez pas sur le channel Dieu. C'était direct du trône de Dieu. Et il a montré les deux anneaux de noces dans le ciel. Et il a commencé à les tourner dans cette vision de Dieu. Après cela, la voix du Seigneur a dit, dès aujourd'hui, toute autorité dans les cieux et l'autorité sur la terre a été donnée à Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, précieux peuple. Et il a dit, toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. Dans cette vision, après cela, il a dit, regardez voir qui est assis sur le cheval blanc. Et je me souviens, quand j'ai regardé au-dessus des deux anneaux de noces, à l'intérieur des cieux, j'ai vu le puissant, glorieux cheval blanc. Et il était très énergique, prêt à partir. Et ensuite, pendant ce temps, la voix du Seigneur a dit, va dire à ce peuple de se préparer pour la venue du Seigneur. Commençons par là. Il y a beaucoup de conversations après cela. Le 29 juillet inclus. Quand j'étais en Afrique du Sud, me dirigeant vers le Venezuela. Mais commençons par là. Quel est le message pour l'Église? Écoutez, précieux peuple. Notre Seigneur Jésus, quand il est venu délivrer l'Église sur la croix, abusé, torturé, ils ont même craché sur son visage. Après 3 jours, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité. Il vit. Il vit. Mais écoutez, après la résurrection, il est allé avec ses disciples au mont des Oliviers. Et maintenant, le versant oriental, le versant ouest faisant face à Jérusalem, mais le versant oriental du mont des Oliviers, faisant face à la mer morte et au reste. Et quand il était là, debout après la résurrection, avec ses disciples, il leur a promis qu'il reviendra pour l'Église,

S'il vous plaît, préparez le chemin. Pour qu'il puisse vous trouver prêt. L'époux vient. Le Messie, le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est mort pour vous. Celui que vous adorez chaque jour. Vous ne voulez pas être oublié quand il vient. Je suis venu pour vous annoncer la venue du Messie. Pouvez-vous imaginer? Je l'ai annoncé à travers les nations de la terre. Mais aujourd'hui, la lumière du Seigneur fait cesser les ténèbres. La lumière de Dieu réveille l'Église. Cela apporte la sagesse à vous, l'Église. Alors quand il a montré les anneaux de noces, le message est clair. Préparez-vous dans la sainteté. La Bible, c'est le miroir. Quand vous vous tenez devant le miroir, s'il y a une tache à cette robe de noces, la Bible vous la montrera. Écoutez-moi, précieux peuple. Écoutez les pasteurs. C'est le réveil de la fin. Comme vous avez entendu et vu, c'est plus grand que ce que vous aviez pensé. Seulement une personne aveugle qui est guérie dans l'église. Oh mon Seigneur, être guéri dans un rassemblement, les pasteurs vont prendre un grand sac et vont le passer pour l'offrande. Ils vont devenir très riches. Regarde maintenant. La gloire du Seigneur aussi n'est plus pour de l'argent. Ça vous dit que la dispensation a changé dans l'Église. Et vous voyez, pas seulement un, beaucoup ont été guéris. Le déversement est ici. Pourquoi? Parce que les anneaux de noces, ils sont des anneaux de noces spirituels. Ça signifie que le Seigneur me dit, va et demande à l'Église. Pourquoi tu marches dans la chair? Tellement de chair et de sang. Et encore, les noces de l'agneau est un mariage spirituel. Jésus-Christ est l'homme rempli de l'Esprit. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Et il dit, même les anneaux de noces sont des anneaux de noces spirituels. Alors vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi, précieux peuple. Si vous regardez attentivement dans Zacharie chapitre 13, les versets 7 à 9, it talks about purifying the remnant. Parle à propos de purifier le restant. These are the days when you need to choose only Jesus. Ce sont les jours où vous avez besoin de choisir seulement Jésus. If you are an accountant, si vous êtes un comptable and your company is telling you to lie, et que votre compagnie vous dit de mentir, refuse it, refusez-le and tell him, et dites lui, ce sont les jours où je veux choisir seulement Jésus. Écoutez-moi. Si vous êtes un homme de loi, un avocat pour les criminels, et que votre travail vous demande de pécher en mentant chaque jour, c'est le temps de dire au Seigneur que, Seigneur, ce sont les jours dont tu as parlé quand je rejette mon travail et choisis Jésus pour

L'amour de l'argent dans l'église. Right now, juste maintenant, the church is wearing filthy garments. L'église porte des vêtements sales. That have the marks of the devil. Qui ont les marques du diable. That's why the devil is claiming rights. C'est pourquoi le diable réclame des droits. So, no, this is mine. Disant, non, c'est à moi. We used to dance together in the disco. Alors nous avons l'habitude de danser ensemble dans les discos. But don't you remember in the church? Mais si vous vous souvenez dans l'église, we were lost in that woman together. Nous avons convoité cette femme ensemble. The devil is claiming the church today. Le diable réclame l'église aujourd'hui. You can literally repent. Vous pouvez vous repentir littéralement. And the Lord will restore your garment. Et le Seigneur va vous restaurer un vêtement. And the devil will never claim you again. Et le diable ne va plus vous réclamer. The Bible says, la Bible dit, Genesis 1:26, dans Genèse 1:26, God said, Dieu a dit, in the conversation, dans la conversation between God the Father, entre Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils and God the Holy Spirit, et Dieu le Saint-Esprit, he said, il a dit, let us make man, faisons l'homme in our own image, à notre propre image and likeness, et ressemblance. That's why the two wedding rings are identical. C'est pourquoi les deux anneaux de noces sont identiques. That's why. C'est pourquoi the two wedding rings are identical. Les deux anneaux de noces sont identiques. Because parce que when they created you, quand ils l'ont créé, they intended, ils avaient l'intention that you were, que vous portiez the image and likeness of God, l'image et la ressemblance de Dieu. But we know, mais nous savons that the image of God, que l'image de Dieu does not die, ne meurt pas. We know, nous savons that the image of God, que l'image de Dieu is imperishable, est impérissable. We know, nous savons that the image of God, que l'image de Dieu is without sin, est sans péché. That means, ça signifie, we need to hearken to the Holy Spirit. Nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. He will give us power, il va nous donner le pouvoir to overcome sin, de vaincre le péché. I wish you could know, je désire que vous sachiez what I know about the Holy Spirit. Ce que je sais à propos du Saint-Esprit. Literally, littéralement. When I go to meetings, quand je vais à des rassemblements, the night before, la nuit précédente, even 2 days before, même 2 jours avant, he shows me in a dream, il me montre dans un rêve where he will be standing, où il va se mettre. The Holy Spirit, le Saint-Esprit. He can literally have a personal relationship with you. Il peut avoir littéralement une relation personnelle avec vous and help you to overcome sin, et vous aider à vaincre le péché. The Bible says, la Bible dit that he that helps Jesus, que celui qui a aidé Jésus to overcome sin, à vaincre le péché and overcome death, et à vaincre la mort is available to you, est disponible pour vous, that you too may overcome sin, pour que vous aussi vous puissiez vaincre le péché. I have a lot to share on the wedding rings. J'ai beaucoup à partager sur les anneaux de noces. But there are so many visions I want to share. Mais il y a tellement de visions que j'aimerais partager. The other thing I want to share about the wedding rings, the last one. L'autre chose que j'aimerais partager à propos des anneaux de noces, la dernière. The book of 1 Corinthians chapter 15. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Verses 50 to 56. Les versets 50 à 56. He says, il dit, I tell you the truth, brother. Je vous dis la vérité, frère. That flesh and blood, que la chair et le sang will not inherit the kingdom of God, n'hériteront pas le royaume de Dieu. That means, ça signifie, you need to turn away, vous avez besoin de vous détourner from living in the flesh, de vivre selon la chair. How do you receive the Holy Spirit? Comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? By ensuring that you're fully baptized by complete immersion. En étant assuré que vous êtes entièrement baptisé par une immersion complète. By ensuring that you're going to pray and fasting. En vous assurant de prier et de jeûner. He says, just ask. Il dit, demandez seulement. And then I will come on you. Et ensuite, je vais venir en vous. The Father promised. Le Père a promis. But today, the false apostles, they are selling anointing of the Holy Spirit. Mais aujourd'hui, les faux apôtres, ils vendent l'onction du Saint-Esprit. They sell in bottles.